Ils n'arrêteront pas la machine. Elle en voudra dans la maquine. Ce que je vis, Signora, c'est un film. Des fois, je me noie dans la bière fine. Votre ruine, ça m'a ruiné. Une vie de merde, tu vois mon vice, tu m'envies. Moi, je dis Dieu merci, je suis en vie. Ouais. Bouge pas, c'est un braco, bla, bla. On fait rentrer le magot, bla, bla. Bouge pas, c'est un braco, bla, bla. Entre les soucis, les broutilles, j'perds du montant. J'trouve rester au labo, j'perds du montant. Ça va en éruption, j'suis en feu comme un volcan. J't'ai fait pire qu'un chinois qui va niquer mon pain. J'dis ce que j'vois, j'roule sur le bitume, je note. J'veux pas voir les boumettes, pas me voir avec les menottes. J'veux plus voir la rigue brillant, le tribunal de grande instance. Entre du pour de l'espèce, la guerre pour l'instant. J'fais que des crises au mic, j'ai fait des kilomètres. J'en mets vendu des kilomètres, j'ai jamais tiré sur un mec. Rappeur tu es un 3 là où ça met les crosses droits, là où ça te croise pour une histoire de gosse. Tu veux pas qu'un échute, au fait toi, arrête de parler de moi, arrête de parler de nous. En plus, après quand tu nous vois, tu fais comme si t'étais de notre. J'croise un ancien poteau. Ils m'ont pas demandé comment j'allais, ils voulaient la photo et un t-shirt pour sa petite. J'suis dans la bloc à Emilio, j'fais du son des millions. Un peu plus tard j'aurais vu mère et ma coupette c'est des millions. On est des milliers dans le game, faut tout pilier. J'me mélange pas, donc cherche pas à m'affilier. Le poteau il a trop bu, ça y est il parle tout seul. Au fait celle-là c'est pour ceux et celles qui rôdent tout seul dans la Clio initiale, toute sale. Ça prend des chemins antiques et puis ça en feu c'est la rue. La survie c'est la rue, sa pratique vie c'est la ruse. Bienvenue dans la zone à risque, ça m'en peine dans la rue. T'as passé l'été au quartier, t'as tout claqué, tu peux plus partir, t'sais même plus quoi dire. J'fais des dégâts, combien je gagne. J'fais des débats, des gros débats. J'ai toujours été brave, j'suis gentil, mais j'peux te mettre des baffes. Ok, ils n'arrêteront pas la machine. Elle en potera dans la maquine. Ce que j'dis, Signora, c'est un film. Des fois, j'me noie dans la pierre fine. Votre ruine, ça m'a ruiné. Une vie, merde, tu vois mon bis, tu m'envies. Moi, j'dis Dieu merci, j'suis en vie. Bouge pas, c'est un braco, bla, bla. On fait rentrer le magot, bla, bla. Bouge pas, c'est un braco, bla, bla. On fait rentrer le magot. Ça fera l'affaire. On change pas de camp. À qui tu vas la faire? Tout le temps une tête vénère. Dans l'audi RS, trop agri, couleur fer, mon frère. Comment faire? Dans les games, ouais, trop de gens me rendent fou. J'prends ma pelle, j'déterre ou j'fais du kung fu. Moi, le rap, c'est la rue, c'est le coup de foot. Coup de coude, coup de genou dans le menton. J'ai trop perdu mon temps. Et j'ai perdu des gens que j'aimais. Les gens ont perdu, loin d'être haineux. Ce que tu sais, vrai, j'ai vrai. Ce que j'ai à faire, je le fais. Change pas parce que j'aurais un fait. Loin d'être fou, loin d'être faible. Elle me regarde de travers, qu'est-ce qu'elle veut? Yannick et puis j'ai un point, je passe un peu. Il me contrôle, me laisse partir, il m'en reste un peu. Je fais des rêves où je brasse. Des cauchemars où je reste bloqué dans le sas. J'ai pas de charbon, j'ai pas de famas. Je taille sur la quête, on la surnomme la fameuse. Quand t'as une palle, pas beaucoup d'épannes. Y'a personne pour toi qui va prendre des balles. Beaucoup changeront de fusil d'épaule. Même ceux qui étaient avec toi à l'école. Bla, bla, bouge pas, c'est un braco. Bla, bla, on fait rentrer le magot. Bla, bla, bouge pas, c'est un braco. Bla, bla, on fait rentrer le magot. Ils n'arrêteront pas la machine. Un labo drape dans la maquine. Ce que je dis, Signora, c'est un fil. Des fois, je me noie dans la bière fine. Votre ruine, ça m'a ruiné. Une vie de merde, tu vois mon bis, tu m'envies. Moi je dis Dieu merci, je suis en vie. Ouais. Raconte pas ta vie quand tu dis que la pouffe. Quand tu dis de la merde, ça éclabousse. Je suis avec ma gadi, je l'appelle la couze. Y'a quelle, tu peux me toucher la bouche.